arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Son de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Bonjour à vous toutes, il est 13h30, et bien voilà donc bien le retour avec l'émission de l'accordéon, donc vous êtes accordéon. Voilà donc bien, bienvenue à vous tous et à vous toutes, si vous prenez l'écoute de l'accordéon, la radio en couleur, et bien j'espère aussi que vous avez passé une bonne matinée. Voilà donc pendant quelques heures, bien, jusqu'à 16h avec de l'accordéon, avec du passo, de la java, du tango puis d'autres musiques de ce genre. Voilà donc on va débuter l'émission sans tarder avec tout simplement du disco latinos et puis juste après un morceau de valse de André Verschuren. que rien n'efface un bout de ma vie. Et devant ma glace, le ciel de mes jours. Avec toi peut-être, avec toi l'amour. Demain. Pour mieux éclairer ma mémoire, malgré que passent les années, il faudra bien encore y croire. Et si un jour je te voyais, pour se rappeler notre histoire, ne plus rêver. c'est beau, ah que c'est chouette, la javanaise, la javava, près de chez moi, rue Bouscara, il y a des filles de joie, il y a des mecs, il y a des gars, qui dansent tous, tous la java, java. Ses cours d'eau, ses lumières, comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez aux enchants. Cours d'eau, ses lumières, comme un fleuron dans sa ville flamboyante, le clocher de Rodez aux enchants. Mon Aveyron, je veux revoir ma terre de Millau à Rodez, les belles Aveyronnes, et surtout celle qui attend mon retour, celle que j'aime un peu plus chaque jour. Sinon, le titre s'appelle tout simplement Angélique s'amuse, et puis juste après elle, ce sera tout simplement Du Passo et la Marche. et les fanfares, ça c'est très bon. Le trombone et le piston qui fait partie des guélurons. Ne crois pas que l'accordéon c'est joué que par des couillons. Il y a aussi les grands artistes, les très bons accordéons. L'accordéon chez ma mère et aussi mon grand-père, j'écoutais l'accordéon. Mais un jour à l'âge de 15 ans, enfin j'ai pris les boutons. L'accordéon pour moi c'est passion, j'en joue avec émotion. Yann Lever Churel, le plus grand roi dans l'arène, Marcella, Zola, Yvette, mais ça c'est du tonnerre. André Brocoletti à la radio le dimanche, qui nous passe des belles chansons, quelle chance. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Sometimes accueillant sans manière. Est-ce des messages, je vous en réponds. Il y a juste une petite chose à pas faire, c'est de lui marcher sur les avions. Voilà, donc merci, vous prenez l'écoute, vous êtes en compagnie de Nicolas jusqu'à 16h avec l'accordéon. Voilà, donc je vais laisser avec de la valse et puis juste après le rétro. Thank you. toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Si on l'aime. voici donc de la valse et puis suivi du cha-cha. We'll be right back.

Voici du Madison et juste après, tout simplement, un autre morceau différent, c'est du tango.

fois, les filles leurs belles robes et leurs plus jolis bas. Sur la place du village, ils dansent la bourrée pour fêter le passage à la Saint-Jean d'été. Il y a du soleil sur le Berry, c'est magnifique. Il y a du soleil sur mon pays, de la musique. Tout au long des quatre saisons, le soir on danse. Au son d'un air d'accordéon, c'est de romance. Entends le cor de chasse au fond de nos forêts, les chiens sont à la trace à courir le gibier. Ce soir autour de la table, on va se régaler d'un sancerre formidable et d'un lièvre encivé. Par leur plastique que par les mots magiques qui habillent leur cœur. Même les mélodies d'amour ne sont plus au bout du jour. On finissait tous par devenir sourds. Alors un soir c'est comme ça qu'est née ma petite Java pour revenir au temps où l'on mettait les deux bras autour d'une belle nana qu'on aimait tendrement. Et depuis dans tous les bals, tous les jours c'est carnaval. On s'agite, on a la frite pour ma petite Java. On peut dire qu'elle est frivole, mais avec elle on s'envole. Elle nous donne le frisson avec l'accordéon qui rythme la cadence. Pour qu'entre vous deux ça colle, elle ne sera jamais molle. Et pour finir toujours vainqueur, elle sortira ma petite Java, ma petite Java. Pour le plaisir tous les jours on la dansera, ma petite Java. Ma petite Java, pour le plaisir, tous les jours on la dansera. ma petite Java. Voici donc de la guinguette. We'll be right back. vie est belle sur Arc-en-Ciel. Blanca. et entre amis. En quelques heures, vite il bronze. En un quart d'heure, moi je rougis. Soleil fredonne pendant que je suis sous un parasol. Arc-en-ciel, un amour de la femme. We'll be right back. de la valse et puis suivi du passo. Quand l'accordéon nous fait valser, que chacun se met à fredonner, Dorian a d'importance, son a le cœur qui balance entre deux verres de vin et un doux refrain. C'est si beau de rêver, de chanter, de s'aimer, quand on a toute la vie pour en profiter. Je voudrais que cette chanson nous apporte bonheur et passion. Je voudrais qu'elle soit le reflet d'une journée ensoleillée. Quels que soient nos goûts et nos désirs, reprenons ce refrain pour finir. Quand l'accordéon nous fut valsé, chacun se met à fredonner. De rien à d'importance, on a le cœur qui balance entre deux verres de vin et un de refrain. C'est si beau de rêver, de chanter, de s'aimer, quand on a toute la vie pour en profiter. Je voudrais que cette chanson vous apporte bonheur et passion. Je voudrais qu'elle soit le reflet d'une journée ensoleillée. Quels que soient nos goûts et nos désirs, reprenons ce refrain pour finir. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Voici donc Lindo Disco et juste après la valse. Il faut danser pour pas mieux comme endroit pour faire la fête. Il faut danser dans cette ambiance de folie. On est si bien, ça nous éloigne des problèmes et des chagrins. On est heureux, ça se voit au fond des yeux. C'est une chanson pour tous les couples d'amoureux. Et pas besoin d'ameuter toutes les fanfares. L'accordéon mène le bal, y a pas d'histoire. Et puis tant pis si ça dure jusqu'à demain. Le principal c'est de danser et d'être bien. Il faut danser pour retrouver notre gaieté. Il faut danser pour le moral et la santé. Moi, je vous donne rendez-vous dans un petit bal. Pour se détendre à gogo, c'est l'idéal. Il n'y a pas mieux comme endroit pour faire la fête. Il faut danser pour se détendre à gogo, c'est l'idéal. Il n'y a pas mieux comme endroit pour faire la fête. Il faut danser. Anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. la fête de la Savoyarde. Montmélian remplit ses paniers de mondeuses et de gens qui musardent dans les rues à l'ombre du rocher. Son profil de partout nous enchante, les vallées se retrouvent à ses pieds. Elle surveille de façon innocente dans les vignes les grappes ensoleillées. Et l'on y danse et l'on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et l'on y danse et l'on y chante, c'est la fête campagnarde. À la tuile, les beaux jurs assemblés apprécient l'ombre de son chapeau. La douceur de son lac en été rafraîchit en marchant les badauds. Citadelle au-dessus des vallées, le vieux fort garde la Savoyarde. Ribambelle de bandes endiablées, nous chantons quand elle nous regarde. Et on y danse et on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et on y danse et on y chante, c'est la fête campagnarde. Mont, à Bimouchinien, tous ses vins apprécient ta sagesse. La mondeuse sur les pentes d'Arvin, à tes pieds langoureuse paresse. Et quand vient le temps des vendanges, c'est la fête dans les sardeaux. Ce ne sont que chants et louanges, la montagne a remis son chapeau. Et on y danse et on y chante, nous fêtons la Savoyarde. Et on y danse et on y chante, c'est la fête campagnarde. Thank you. Voici donc bien de la Java et puis juste après du tango. Tes yeux sont la promesse d'un matin de caresse, un aller sans retour au royaume de l'amour. Viens chavirer dans mes bras, viens te serrer contre moi, emporté par la musique, corps à corps aux accords d'un tango magique. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc que de la polka et juste après tout simplement du tango. avec mes plus beaux baisers. C'est ainsi que nos lettres se juraient d'échanger toujours d'éternels serments d'amour. Et à toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. C'est cette musique-là, tout simplement, qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement. Donc voilà, l'émission se touche à sa fin. Donc voilà, je vous laisse terminer avec quelques autres morceaux d'accordéon. Et puis on se retrouve donc bien déjà, premièrement, dimanche prochain. Et puis ainsi, mardi. Et aussi entre 14h, non, 13h30 jusqu'à 17h. Mardi, et puis donc vendredi entre 13h30 jusqu'à 16h. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes.